Sortez, votre émission culturelle et artistique sur la rage. Bonjour et bienvenue sur la rage 99.1 pour Sortez, votre émission qui décrypte l'actualité culturelle et artistique. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre avec Lata, amateur théâtre d'Artane, et son président Rémi Baudin. Bonjour Rémi. Bonjour Fabrice. Alors, avant de parler de l'association que tu présides, est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Rémi Baudin, je suis animateur jeunesse au service jeunesse de la communauté de communes du Val de l'Indre, c'est-à-dire que je m'occupe d'un accueil jeune, celui de la commune de Mont. En l'occurrence, donc, j'accueille des ados de 14 à 17 ans sur les temps périscolaires, les vacances, mercredi, samedi. J'habite la commune de Mont également et j'ai 29 ans. D'accord, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, bah, 29 ans je passe c'est bien, mais je les ai. D'accord, très bien. Et donc, quand tu as tes moments de libre, oui. Tu fais du basket et du théâtre. Oui, les deux à Artane. J'ai commencé le basket à Artane il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et puis par des connaissances communes, je suis arrivé au théâtre à Artane également, donc du gymnase. Je suis passé à la salle des fêtes au début pour un simple essai et j'y ai pris goût. J'y suis resté et ça fait maintenant une douzaine d'années que ça dure. D'accord. Donc justement, la troupe d'Artane, on va en parler, c'est oui. Lata. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la structure que tu présides ? Donc tu es le président, parce que tu n'es pas juste adhérent, tu es président de l'association. Oui, c'est ça. Écoutez, c'est pas. Tu peux me tutoyer. Oui, je m'adressais à l'ensemble de nos nombreux auditeurs, Fabrice. Oui, je vais essayer de te tutoyer quand même. Voilà, c'est un petit peu. Amateur théâtre Artane, ATA ou ATA, une troupe amateur, comme son nom l'indique, basée à Artane. Notre fief, c'est la salle des fêtes. On y répète une à deux fois par semaine selon l'actualité, les mardis et vendredis soirs. On a un groupe dit ado-adulte, donc de 12 à 60 ans et plus, et un groupe enfant qui lui répète les mercredis après-midi, ce qui fait un peu le charme de l'association, c'est justement cette diversité des âges. On est une vingtaine d'ados-adultes, une quinzaine d'enfants, deux spectacles séparés en fin d'année, un spectacle enfant, un spectacle ado-adulte, au mois de mai-juin, voilà. D'accord. Et les adhérents viennent uniquement d'Artane ou viennent non. d'autres communes ? C'est très exactement 50% proviennent d'Artane et les autres des communes alentours, Mont, Pont-de-Ruan, Tilouze, Jouy-les-Tours, Ballan. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant un an quand on s'inscrit à une association de théâtre comme la tienne ? Eh bien, comme on est à Artane, on a beaucoup de copains dans les associations d'à côté qui nous demandent des prestations. On accède à leurs souhaits avec grand plaisir. Il y a eu l'association des quatre saisons, il y a eu le jumelage d'Artane avec Basse-Fort et Rocastrada, il y a le basket, il y a les Sentiers du Lys, le club de randonnée. Bref, il y a un tas d'associations qui font appel à nous pour animer des repas, des soirées, des cérémonies. On a eu la cérémonie des vœux du maire en janvier, par exemple, sur lequel on a fait un sketch. Il y a pas mal de prestations comme ça, assez courtes, voire un peu plus longues, on va dire de 10 minutes à 1 heure. Et puis, un à deux spectacles par an, un gros spectacle au mois de mai-juin, comme je disais tout à l'heure, pour les ados adultes, le groupe dont je m'occupe. Et puis, un spectacle aux alentours de Noël, soit un spectacle de Noël pour les enfants directement, soit une prestation, comme dernièrement, pour le Téléthon. Donc ça, c'est au mois de décembre. D'accord. Et du coup, ça veut dire que vous avez des ateliers, donc on a dit hebdomadaires, un atelier par semaine pour chaque groupe, si je comprends bien. Un atelier le mercredi pour les enfants et un à deux ateliers mardi et vendredi, tous les vendredis et très souvent les mardis en période de spectacle, mardi soir, pour le groupe, on va dire 12-60. D'accord. Et du coup, pendant ces ateliers, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille sur la voix, sur les textes, on ouais. arrive et on apprend directement des textes, comment ça se passe ? Eh ben, quand on fait bien les choses, on s'échauffe, on travaille progressivement pour aboutir à quelque chose d'élaboré en fin de séance. Quand on a un peu moins le temps et qu'on est pris par le temps et qu'on prépare un spectacle, en général, on va directement à l'essentiel, on s'échauffe si on peut, chacun de son côté ou parfois en groupe. Et on passe rapidement sur scène. Si on a eu le temps de se préparer avant pour répéter comme ça en douce, tant mieux. Sinon, bah tant pis, et on travaille le sketch, parce que nous, je l'ai oublié de le dire, mais on est très basé sur les sketchs. C'est un peu ce qui fait notre fond de commerce. Et donc, on répète son sketch ou ses sketchs avec les comédiens concernés sur scène. Et donc, sous ma responsabilité et ma mise en scène, voilà. D'accord. Et pour les enfants, qui gère ? Pour les enfants, c'est Viviane Gallet, une adhérente du groupe dont je parlais tout à l'heure, qui a créé sa section enfants avec l'aide d'ATA. Voilà. D'accord. Et en plus, parfois, vous faites des stages. Et alors, parfois, on fait des stages. Il y en a eu un cette année pour les enfants. C'était la première année depuis très longtemps. Et depuis 5 ans maintenant, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, on a au mois de janvier un intervenant professionnel qui vient, donc ça c'est, qui vient nous voir dans la salle des fêtes à raison de 4 séances de 2 heures. Donc, c'est pas énorme. Ça occupe le mois de janvier. On travaille sur toute autre chose. Nous amateurs qu'on est, renfermés sur notre propre travail, on s'ouvre au monde théâtral et en général on travaille un axe plus qu'un autre en fonction de ce que j'ai choisi de faire travailler. Et du coup tu peux nous donner des exemples? Par exemple, je sais que vous avez fait un stage pour les adultes par exemple avec le Barocco, oui. Ou avec Cédric Le Stinf l'année dernière. Alors le Barocco 2 ans de suite avec Laurent Priou, c'était, ouais. Fin 2015-2016 et 2014 effectivement avec Cédric Le Stinf. Ah, c'est l'inverse, ok. Ouais. Et on avait fait un stage il y a 3 ans et demi avec Thierry Chang Chong. D'accord. Et donc du coup il se passe quoi pendant ces stages? Le groupe est scindé en deux parce qu'on est nombreux, vingtaine de personnes, c'est assez compliqué à gérer, donc on fait des groupes de 10-12 maximum, donc sous la direction dernièrement de Laurent Priou. Mm-hmm. On travaille voilà, je dirais là dernièrement on a travaillé sur le corps en scène et la maîtrise des gestes parasites qu'on peut avoir, la stature qu'on peut imposer selon tel ou tel critère de rôle, avoir bien conscience de son corps dans l'espace, du langage corporel, le langage corporel, tout ce qu'on peut faire et ne pas faire avec son corps, en la mesure où parfois le stress prend le pas sur le bon sens, je dirais, et nous enlève toute raison et nous fait faire des choses dont on n'a pas conscience. Donc on travaille sur tous ces, on a travaillé sur tous ces parasites et puis on a aussi travaillé sur la projection de la voix. On reprend des bases, on n'a pas peur de dire qu'il y a on a tous des bases qu'on ne maîtrise pas malgré nos années de théâtre amateur et donc il faut retravailler sans arrêt des petites choses. Certains sont très à l'aise dans certains domaines et d'autres pas beaucoup, donc c'est intéressant. D'accord. En sachant que les noms dont on a donné, Laurent Priou, Cédric Le Stinf, eux sont des professionnels pour le coup. Tout à fait. Ce sont des professionnels que j'avais rencontrés en allant voir des spectacles ou dans le cadre de mon activité professionnelle, en qui j'ai toute confiance et que j'ai fait intervenir parce que je le jugeais utile et je jugeais surtout que ça pouvait nous apporter quelque chose, que je disais tout à l'heure, nous sortir du carcan amateur et nous faire voir autre chose que mes simples directives. Provenant de moi qui ne suis pas quelqu'un du milieu théâtral, en tout cas qui n'est pas reçu de formation théâtrale. Et je le précise à tous les ans, à tous ceux qui veulent s'inscrire dans l'association, je ne suis pas metteur en scène professionnel, je suis simplement un amateur de théâtre qui a une idée, qui est animé de volonté et de certaines choses, d'un projet, mais je n'ai pas de formation théâtrale. Oui, mais c'est pas très grave, puisqu'en fait amateur ça veut dire celui qui aime en latin. Exactement, c'est celui qui aime et tant qu'on partage cette passion, je dirais qu'on peut venir faire du théâtre chez nous. C'était ma petite... C'est le seul mot que je connais en latin, je crois. C'est bien. Et puis chaque année, donc il y a un temps fort, qui est le spectacle annuel, on va dire. Je ne vais pas dire de fin d'année, parce que c'est un peu péjoratif. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, ça fait renvoi à la kermesse. Ça fait un peu kermesse, quoi. on essaye de s'en écarter. Ouais. Ouais. Non, mais vous en écartez, de toute façon, par la prestation que vous offrez. Donc, j'espère. L'année dernière, c'était Même pas peur. Oui. L'année d'avant, Défaut de fabrication. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces spectacles? C'était quoi, enfin, sous quelle forme c'était? Alors, on a déjà parlé de comédie à sketch. Est-ce que c'était sous la même forme? Est-ce qu'il y avait une thématique? Est-ce que comment sont nés les spectacles? Qu'est-ce qui en est ressorti au niveau de l'assaut? Enfin. Oui, c'est ça, c'est toujours compliqué. Après, j'ai un petit cerveau, donc il faut que je revienne sur la première. J'ai déjà oublié. Non, je vais essayer de faire une réponse qui englobe tout ça. L'essence de l'association, c'est le sketch. Donc ça veut dire un jeu scénique qui se veut drôle. Et à partir du moment où on touche à ça, il y a un certain niveau d'exigence quand même. Faire rire les gens, c'est compliqué, c'est très compliqué. On n'est pas tous des gens bon public, je dirais. Donc on espère susciter quelque chose chez le spectateur toujours, quoi qu'on fasse. Mais là, chez nous, c'est plutôt axé sur le rire. Ça permet aussi d'avoir de bonnes ambiances aux répétitions. C'est comme ça que les gens viennent à ATA. Voilà, c'est ce qui définit l'esprit de l'association. De plusieurs rires différents, de plusieurs humours différents, il n'y a pas un humour particulier qui fait notre spécialité. Toujours est-il que tous les ans, à la même époque, au printemps, avril, mai, juin, on fait ce spectacle à sketch composé de 10, 12, 15, 20 sketchs d'une durée de 5 à 10 minutes, entrecoupés d'un entracte, sketchs qui sont écrits par nous-mêmes, par moi, par Patrice Réfé, l'ancien président et fondateur de l'association, ou sketchs que l'on reprend parfois à certains comédiens, comiques, auteurs du répertoire français. C'est vraiment le point fort de l'année, tu avais raison de le souligner, c'est tous les ans, on axe 4 à 5 mois de notre année sur ces spectacles. D'accord. Et comment est-ce qu'il y a une thématique de base? Est-ce que ouais, c'est ça? Alors il y a toujours, sauf cette année, il y avait un maître mot. L'année dernière c'était la peur. On a eu la famille, et j'en passe. Et cette année il n'y a pas spécialement de thématique. Il y a un titre accrocheur, un tas d'urgence, mais il n'y a pas de thématique particulière. C'est il y a un peu de best-of, il y a un peu de coup de cœur, il y a un peu de tout ça, mais il n'y a pas une thématique dominante, non. D'accord. Et comment on arrive à ce genre de choix? C'est en groupe? C'est Non, c'est totalement arbitraire. C'est toi? C'est moi. c'est le seul... la dictature avec ça qui marche. C'est ça, c'est le seul passe-droit que je m'octroie sans consulter mon conseil d'administration. Je sélectionne seul les sketchs, j'écris seul les sketchs ou je demande à certains d'en écrire. Et je laisse libre cours à des membres de l'association pour me proposer des sketchs, 2, 3 selon ce qui va me manquer, soit de leur plume, soit des sketchs qu'ils l'auront plu quand ils les ont regardés ou quand ils les ont entendus, quand ils les ont lus. Et donc il y a toujours un peu de place laissée aux autres. D'accord, et en tant qu'auteur, comment ça se passe? Et ben, le tout est de se lancer un beau jour, d'apprendre de ses erreurs, de regarder ce qu'on fait, de se relire, d'écouter ce que disent les gens qui voient vos sketchs, parce que ce sont des sketchs que j'écris. J'ai commencé à écrire une petite pièce de Noël d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Très vite, j'ai compris que c'était pas ce que j'aimais faire. Et donc après, de quoi, des sketchs de Noël? Oui, non, qui incluent 25 personnages dont l'utilité est douteuse parfois. Enfin bref, c'est joyeux, mais c'était pas forcément ce vers quoi je voulais aller. Et donc j'ai recentré sur des écritures, on va dire, sur des sujets du quotidien, de la vie quotidienne, et des choses qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai quelque chose à dire ou à faire remonter. Et donc il faut se lancer, et puis progressivement on affine le trait, on comprend, mais c'est totalement dans l'inconnu, hein, de toute façon, oui, on peut jamais trop savoir. J'ai juste pour... Pour idée, je me dis que je suis quelqu'un de très difficile à faire rire quand je regarde ou quand je lis des choses. J'aime beaucoup déconner dans la vie de tous les jours, mais quand je regarde un sketch, quand je regarde une histoire, un film comique, je suis pas bon public. Mauvais du tout. Public, donc ouais. Je me dis que si ça marche sur moi, il y a des chances que ça marche sur d'autres. C'est ça. En fait, t'es le premier baromètre. Voilà. Je m'estime être quelqu'un de chiant à faire rire, quoi. D'accord. Voilà. À faire rire, c'est pas forcément gagner, hein. C'est pas quelque chose. C'est probablement la chose la plus dure au théâtre. Oui. Parce qu'en plus aujourd'hui, avec YouTube, avec la télévision, avec tout ça, le public est alpagué par plein de choses qui sont censées les faire rire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, oui. C'est plus compliqué. Il y a du monde sur le marché, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, on revient dans quelques secondes. On va parler du nouveau spectacle, ouais. Du prochain spectacle, oui. À Tas d'urgence. On fait juste une petite pause musicale et on revient dans une minute. Jean-Marie, ils viennent à pied. Retour sur la rage pour votre émission Sortez 99.1. Nous sommes toujours avec Rémi Baudin, le président de l'association de théâtre amateur d'Artane. Enfin, ah non, plutôt amateur théâtre d'Artane. Tu veux. Hein, comme je veux. Il y en a plein qui n'arrivent pas à le dire. Hein. J'y peux rien, c'est vrai que c'est pas forcément logique. Hein. Amateur théâtre Artane. Pourquoi pas Artane théâtre amateur finalement. Bah oui. Bah, c'est vrai, c'est plus logique, je suis d'accord avec toi. On votera ça au prochain séminaire. Il y a beaucoup de gens qui ont déposé les statuts, c'est vrai. C'est ça. Et donc, nous sommes là pour parler du prochain spectacle. Oui, si tu veux. Ça serait bien. C'est une bonne idée, ça. Ça, c'est bien, parce que c'est bientôt, le 27-28, 3-4 juin, enfin 27-28 mai, 3-4 juin. Est-ce que tu peux nous présenter ce spectacle, cette nouvelle comédie à sketch? Donc comédie à sketch, 18 sketchs, entrecoupés d'un entracte, 9 sketchs avant, 9 sketchs après. C'est bien, c'est équilibré. C'est équilibré, c'est génial. Mais nous, on est des gens très carrés dans le théâtre amateur. Des sketchs maison, je citerai une parodie de chaîne d'info. Une parodie de l'actu nationale en quelque sorte, hein, d'où le titre, riche et varié. Comment? D'où le titre? PFM TV, donc c'est ça le titre en fait, hein. Mais le titre du spectacle, pardon, du coup, excuse-moi, j'ai pas compris. Oui, c'est pas grave. À ta d'urgence, oui, il fait beaucoup référence à ce sketch là et c'est là dedans qu'on va dire qu'on puise l'essence du spectacle. Et puis le dernier sketch joué depuis 16 ans maintenant chez Marcel, qui est enfin lui une satire de la vie locale, donc Artano-Artanaise et ses environs. D'accord. Et comment le prennent les habitants? Je sais pas, faut leur demander. Nous on continue, mais la plupart très bien. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs ils viennent voir, ils reviennent, donc je me dis que c'est finalement ils aiment bien ça. Et puis d'autres un peu moins bien parfois, mais on se moque jamais gratuitement. Hein, on se base toujours sur des faits avérés, bien sûr. D'accord. Et donc du coup. Ce spectacle, de quoi il traite? Oui, tout à fait. Alors, c'est de quoi important. Il traite? Alors, cette année, comme je disais, il n'y a pas de thématique, si ce n'est un titre accrocheur qui renvoie à notre état d'urgence nationale, sur lequel on peut rigoler, hein, largement. Il y a toutes ces dérives en tout cas, et donc ils vont être retranscrites dans ce sketch de PFM TV. Et puis le reste, je dirais qu'il y a un petit mélange de sketchs qui m'ont plu par le passé et que je voulais voir réunis. Donc il y en a trois ou quatre que je ne citerai pas, mais si ce n'est vous dire qu'ils sont associés à des thématiques de vie quotidienne assez variées, hein, d'un répertoire assez varié. C'est pas du même auteur. Et puis des sketchs nouvellement écrit, inédit, qu'on a jamais joué, donc c'est-à-dire les trois quarts, un peu plus des trois quarts du spectacle quand même. Mais je voulais faire revenir des sketchs qu'on avait joués il y a un peu plus de 5 ans, enfin entre 5 et 10 ans, et que nombre de nos spectateurs n'ont pas vu ou qui ont été joués à une autre époque par d'autres personnes et qui ont fait aussi qu'on contribué au succès de l'association. Donc 18 sketchs qui n'ont pas grand chose en commun. Si ce n'est la passion du théâtre et susciter différents rires. Voilà. D'accord. C'est la première année qu'on fait vraiment pas une thématique commune, donc c'est aussi une première expérience. D'accord. Et donc on le sait, c'est un groupe d'ados et d'adultes. Mmh. Est-ce que c'est pas difficile de concilier le fait de se faire plaisir en jouant du théâtre avec cette différence d'âge? C'est-à-dire qu'on n'est pas, vous n'êtes pas forcément tous demandeurs de la même chose sur le plan théâtral et sur le plan du spectacle. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde est content? Est-ce qu'on arrive à concilier un peu ce que tout le monde veut faire? Ou oui, c'est important effectivement. Les retours là-dessus sont bons. Le groupe vit bien, comme on dit dans le football, hein, comme disent les footballeurs. Non, c'est important d'arriver à faire que chacun trouve sa place. Effectivement, s'il y avait que un ou deux enfants, un ou deux ados, ce serait compliqué peut-être, mais là, comme ils sont 5 ou 6, on arrive à leur donner un effet de groupe dans le groupe, ouais. Mais qui s'intègrent aussi. Enfin, je les fais pas jouer qu'ensemble, sinon ça arrive parfois parce qu'il faut aussi qu'ils trouvent leur compte entre eux, mais il faut arriver à faire en sorte que justement ils puissent qu'il y ait des moments où on est des moments avec les gens avec lesquels on a le plus d'affinité, et qu'il y a également des moments où tout ce beau monde soit mélangé d'une certaine façon avec des complémentarités. Ça veut dire que j'aime beaucoup, je donne une grande importance à la complémentarité entre comédiens sur scène et dans un sketch. Ça veut dire que je me prends bien la tête pour savoir ce que peut apporter telle personne à une autre, et si telle association, tel trio, tel duo, tel quatuor peut donner de meilleur. Et ça, j'aime beaucoup faire ça, et c'est jamais fait au hasard. Donc j'aime beaucoup associer des jeunes à des vieux en me disant, là il y a un duo qui tient la route, quoi. D'accord. Et donc, en général, ils trouvent leur compte là-dedans. Qu'ils n'ont jamais joué avec telle personne, ou parce qu'ils n'ont jamais joué avec telle personne, ou parce qu'il y a une complémentarité, ouais. Ou parce que l'année dernière, les deux, ça a fonctionné. Donc, on va les faire partir pour un tour sur toute autre chose. Il y a plein de choses totalement subjectives qui rentrent en ligne de compte. Et des fois, très souvent, je suis satisfait du résultat. Mais il faut effectivement donner des temps où ces gens qui ont des affinités. C'est évident que quand on a 60 ans, on va pas avoir les mêmes affinités avec des gens de 14 ans. C'est normal, ils ont l'âge de nos petits-enfants presque. Mais il y a des groupes dans le groupe qui permettent de s'épanouir complètement, quoi. D'accord. Et comment est l'équipe à un mois de la première? Bien, non, franchement bien. D'ailleurs, peut-être qu'ils prennent peut-être pas conscience que c'est dans un mois, c'est ça. En fait, bon, alors c'est dans un mois, les gars, si vous écoutez. Ouais, non, on dit même pas un mois, on dit 5 semaines. Ouais, c'est cinq ça, c'est semaines. Mieux. 5 semaines. Semaines, parce que d'ailleurs, on est à pile 5 semaines aujourd'hui de la première. C'est vraiment vrai, quoi. Dire un mois, tout de suite, ça fait monter la température. Donc si vraiment ce soir, je les sens, parce qu'on répète ce soir, je les sens pas assez impliqués, je leur dirais, on est dans un mois. Et en gros, il reste plus que 3 vendredis. C'est comme avec les enfants, dans 3 dodos, papa y revient. Et ben là, c'est dans 3 vendredis, on joue. C'est ça. Dans 3 dodos, le public revient. Et là, le cardio-fréquence-mètre pète tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai pu assister à des représentations de l'ATA il y a quelques années. J'ai pas vu celui de l'année dernière, j'ai vu celui d'il y a 2 ans. Et j'ai vu que chacun a, en plus de la partie visible sur scène pour les spectateurs, chacun a sa part aussi de travail derrière. Comment ça se passe, ça? On a tous des compétences par rapport à nos formations, à notre travail. Faut arriver à impliquer tout le monde, parce que le jour où telle ou telle personne vient à manquer à l'appel pour x ou y raison, il faut que l'association puisse continuer à vivre. Et donc il est important que les dirigeants de l'association, moi et d'autres membres du conseil d'administration, ne centralisent pas tout les compétences et les pouvoirs, et que on implique dès le plus jeune âge. Alors ça peut être tout simplement au début de la manutention, bête et méchante, hein, faut en passer par là. Enfin, moi j'y suis passé, on en fait tous déjà, de toute façon tous les ans, peu importe l'âge qu'on a, l'expérience qu'on a. Et puis progressivement on prend conscience de ce qu'on peut apporter à un groupe par rapport aux compétences qu'on a. Et mon rôle, c'est de dire aux gens, oui toi tu peux faire ça, tu vas faire ça d'ailleurs, et d'ailleurs tu vas faire ça. Et quand les gens voient leur nom sur le programme parce qu'ils ont fait ça, et ben ils se disent, ah oui, en fait c'est vrai que c'est quelque chose de valorisant. Et voilà, j'attache une grande importance à ce que ce soit un travail d'équipe que je coordonne. Je fais une grande partie du travail, mais en aucun cas je fais tout. Il n'y a qu'à venir voir le spectacle, on vous donnera le programme et vous regarderez ce qu'il y a dessus. Voilà. Et le nombre de personnes. Et le nombre de personnes qui gravitent autour, de près ou de loin. Il y en a qu'on voit une fois ou deux l'année. Et puis, il y en a des comédiens qui jouent et qui s'occupent des costumes, des décors, de l'éclairage, des coiffures, du maquillage. Vous pensez que j'ai de grandes compétences en coiffure et en maquillage? Non, aucune. En technique d'éclairage. Toujours un petit pot de gel, toujours bien fait. Et pourtant... Ah oui, la coiffure masculine, ça va. Je maîtrise un petit peu la mienne. Mais voilà, les coiffures féminines, vous pensez bien qu'il nous faut des gens experts. Pensez bien qu'il nous faut des experts pour tout ce qui est sonorisation et éclairage, qu'il faut des gens qui se prennent la tête pour savoir comment on va bouger tel ou tel décor après tel sketch, et comment on peut stocker dans une petite salle les décors farfelus que j'ai décidé qu'il y aurait sur scène. Moi, je les aide un petit peu là-dedans, mais je ne m'en occupe que je dirais partiellement. Donc, j'impose des choses, et après je dis aux gens, débrouillez-vous avec ce que j'ai imposé, et si vous voulez, on adaptera si vous ne trouvez pas de solution. Parce que rappelons que la salle d'Artane, quand même, pour ceux qui n'y sont jamais allés, c'est bien. Elle est belle, elle est très belle. Ah oui, mais elle est petite, t'as raison. Mais voilà, derrière, c'est tout petit. Ouais. Et vous êtes combien sur scène? Cette année, on sera 19. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est volumineux. Du coup, c'est Barnum installé sur les côtés, histoire de. C'est ça, Barnum voilà. Dehors, histoire de dégager du matériel dehors. Mais 20 personnes, 18 sketchs, ça fait de la logistique. Ouais, voilà. C'est ça. Et le but du jeu, et ce que j'aime beaucoup dans nos spectacles, et ce sur quoi j'insiste une partie du temps, c'est l'enchaînement dans ces 18 sketchs. Le fait qu'on aille très très vite, qu'on change très très vite les décors, et que le spectateur, qui est les 20 secondes de remise à zéro du cerveau du spectateur, qui puisse dire à son voisin ou à sa voisine, j'ai adoré, c'était génial, ou ça m'a saoulé, vivement le sketch suivant, et puis paf, on repart sur quelque chose de nouveau, et on voit pas le temps passer. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle j'insiste, et je fais tout pour que le spectacle passe très très vite dans le calme, et je dirais avec la logistique la plus discrète possible. D'accord. Donc on rappelle, à Tas d'Urgence, le 27-28 mai, 3-4 juin, oui. À la salle des fêtes d'Artane, pour un prix, une somme modique, 5 euros. Oui, c'est vrai, c'est le prix traditionnel. C'était déjà ce prix-là quand je suis arrivé à la tête de l'association il y a un peu plus de 6 ans. Mais c'était en francs, peut-être. C'était pas encore. Oh non, attends Fabrice, on est en 2016, 2010. Non, c'est France, c'était 2001. Non, ouais, à l'époque, en France, ça faisait quoi, je sais même plus, 30 francs peut-être, ouais, comme ça, quelque chose. Ouais. Non, en fait, c'est la conversion, tu as raison, du franc à l'euro directement. On a le même prix depuis 16 ans. D'accord. Donc les réservations sont conseillées, obligatoires? Fortement conseillées, parce qu'on est à peu près sûr de plus avoir de place, pas demain, mais assez rapidement. Et c'est toujours deux dodo avant. En fait. C'est toujours difficile. Ça, deux dodo avant, faut bien penser à réserver. Ça sera peut-être trop tard. Non, mais on le conseille parce que c'est toujours dommage d'avoir des gens qui viennent et qu'on doit malheureusement reconduire. Ouais. C'est autant frustrant pour vous que pour eux, finalement. C'est frustrant pour nous et pour eux, ouais, c'est clair. D'accord. Donc pour réserver, c'est le 06 82 92 84 20. Oui. Ou Amtar. Alors en fait, c'est amateur théâtre Artane, les deux premières lettres de chaque initiale d'Arta. AMTHR. Voilà. @yahoo.fr. Ouais, c'est ça. D'accord. Et je vois des logos en dessous de l'affiche. Ouais. Vous avez des partenaires? Oui, quelques-uns. C'est souvent des copains. Bah, je te disais que tout à l'heure, on avait tous un champ de compétences à soi, mais on a aussi des amis qu'on a et qu'on essaye de faire intervenir pour payer le moins cher possible. Hein. Vous savez, on est assez radin, donc on essaie de faire toutes les économies possibles et imaginables pour faire payer le moins cher possible aux spectateurs. On est un peu le Leclerc du théâtre. Donc on a là-dedans des gens qu'on aime beaucoup. Hein. D'ailleurs, on les aime tous. Je citerai celui qui a fait l'affiche, Richard Marion, par exemple, sous le nom Apirène Communication, qui fait sa deuxième affiche pour nous et qui sont très chouettes, très très très réussies. Hein. Bon, là en ce moment, il a un peu trop de travail pour vous donner satisfaction, mais on citera les petits jeunes qui font de la vidéo, qui font des montages de notre film. Je sais que ça, c'est quelque chose qui t'est cher, Fabrice, qui est un très bon outil de communication, en tout cas derrière, qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux notamment. Puis tous les commerçants qui nous soutiennent. Voilà. D'accord. Et après ? Après, à partir du 5 juin. Après le 4 juin. Et ben après, que... ben on a un mois de juin qui pour une fois, qui est un peu plus chargé que d'habitude parce qu'on a je parlais de prestations privées tout à l'heure. Là, on jouera pour le départ en retraite du directeur de l'école qui est un de nos plus fervents supporters depuis les débuts de l'association, Philippe Diard, qui s'en va en retraite et donc on lui fera quelques petits sketchs évidemment satiriques, sinon c'est pas marrant pour lui dire au revoir. Donc là, on a une dizaine de comédiens qui sont concernés. Ça, c'est le 1er juillet et au 1er, il y aura une AG entre temps. Pour notre association, avec un changement de conseil d'administration, de bureau et de présidence, de secrétaire. Donc, puisque ma copine et moi prenons d'autres directions pour des raisons professionnelles, on espère s'installer ailleurs et donc il va falloir trouver une nouvelle équipe, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Pour que l'association puisse continuer à mettre en place ses activités. Tout à fait. D'accord. Et il y aura une suite. Enfin, la chose ce qui est sûr aujourd'hui en avril 2016, c'est que l'association Inter Théâtre Artane aura une suite l'année prochaine et même un peu plus. Même un peu plus. Oh là là, mais vous nous gâtez. Ouais. On n'en sait pas encore plus, mais il y a. De toute façon, si je te demande ce qui est prévu pour l'année prochaine, de toute façon, tu vas pas m'en dire plus. Non, il y a quelques inconnus encore, mais il y aura une équipe, il y aura. Je suis sûr que l'esprit ATA, qui est celui de la satire, perdurera avec les gens qui représenteront l'association. Voilà. Donc, dans tous les cas, il y aura quelque chose. Ok. Eh bien, merci Rémi pour. Mais c'est moi qui vous remercie, Xavier. Fabrice. Je me demandais ce qu'il allait dire. Oui. Non, j'aime beaucoup votre radio, la rage, qui monte quand même. Ouais. Ouais, ça monte dur. Quand on m'a dit ça, j'ai pas pu refuser. Non, c'était non. Irrefusable. Non, c'est vrai. Avec du vocabulaire comme ça en même temps, c'est normal. C'est normal. Merci Rémi, je vous rappelle les dates du prochain spectacle de l'ATA, donc le spectacle ATA d'urgence, les 27-28 mai, donc c'est un vendredi et un samedi, donc 27-28 mai, je vais y arriver, 3-4 juin, à la salle des fêtes d'Artane, à 20h30, les réservations au 06 82 92 84 20, ou par mail à amthar@yahoo.fr. Merci Rémi, à bientôt. Merci à vous, salut.